Chapitre 22e. Max et de Saint-Chey vinrent deux jours après faire leur visite à M. et Mme André. Le journaliste, correct et froid, le boulevardier, plus franc encore et plus correct. Juste, les écoutaient d'un air sérieux et se demandaient ce qu'on pouvait trouver d'amusant à la société de ces gens-là. Tout à coup, de Saint-Chey se tourna vers Rose, lui dit « Vous montiez merveilleusement à cheval avant votre accident. En êtes-vous dégoûté au point de ne plus vouloir essayer ?» Rose jeta un regard rapide vers son mari, qui resta impassible. « Non, » dit-elle d'un ton délibéré, « mais je n'ai pas eu l'occasion de savoir si j'éprouverai ou non quelque frayeur. »« C'est, » dit Saint-Chey avec quelque hésitation, « c'est que j'ai tous mes chevaux à Trouville. »« Combien ?» demanda André d'un ton hautain. « 8. C'est une folie, mais que voulez-vous ? Je suis un peu toqué. Quand j'ai une idée, il faut que ça se fasse. Je m'étais dit, « Saint-Chey, mon bon, tu emmèneras tes chevaux à Trouville. » Et ma foi, je les ai emmenés. Ils sont fort bien installés, d'ailleurs. À Trouville, on trouve tout ce qu'on veut. C'est une étymologie, hein, Max ? Max sourit d'un air indulgent. Les calembours de Saint-Chey le laissaient sans défense, tant le brave garçon y mettait de bêtises inconscientes et sereines. Et alors, chère madame, si vous n'y voyez pas d'objection, je vous aurai envoyé un de ces jours ma petite jument irlandaise. Je la prête souvent à nos dames de Trouville, et je n'en reçois que des compliments. Nous aurions fait un temps de galop ensemble. Rose esquissa un sourire vague. Elle n'avait pas grande envie de rompre en visière à son mari devant témoin, et cependant, elle sentait qu'exprimée en ces termes, la proposition de Saint-Chey était inacceptable, pour le moment du moins. C'est que vous êtes une fameuse écuyère, reprit Saint-Chey d'un air entendu. Je n'ai jamais vu personne pour sauter un fossé comme vous. Vous souvenez-vous de cette partie à Garches où ce pauvre Simon dit s'est si bêtement cassé le cou ? Max laissa rouler sa canne sur le parquet. De Saint-Chey le regarda d'un air étonné. Rose était devenue d'une pâleur de cendre. Immobile, le visage tourné vers le malencontreux orateur, un sourire de convention figé sur ses lèvres soudain desséché, elle attendait encore un mot, le coup de grâce. « N'évoquez donc pas de souvenirs lugubres, » dit Max avec une gaieté forcée. « Où allez-vous dénicher de semblables histoires ? N'est-ce pas assez que Mme André soit à peine remise de la plus horrible chute que l'on puisse faire sans y perdre la vie ?»« C'est vrai, je vous demande pardon, madame. » Fit Saint-Chey en s'excusant de son mieux. « Je suis distrait, voyez-vous, mais prodigieusement distrait. » Une de nos dames me disait l'autre jour, « Ma parole, Saint-Chey, je n'ai jamais vu un homme aussi distrait que vous. Vous seriez capable, quand vous vous y mettez, de prendre un mulet pour votre alzan, même en lui regardant aux oreilles. » Il se mit à rire de tout son cœur, tant sa comparaison lui semblait drôle, et Max fit chorus. Rose, remise de son trouble, sourit aussi, seul André resta grave et silencieux. On parle à chevaux, toilettes, belles mondaines et demi-mondaines. On énuméra les grands hommes ou les femmes célèbres qui avaient habité, habitaient ou habiteraient le chalet Cordier. André se mêlait à ses discours assez pour n'avoir pas l'air ourson ni ignorant de ce que tout le monde sait, mais il fournit à la conversation tant d'occasions de tomber qu'elle finit par ne plus se relever du tout. À ce moment, indiqué par un silence assez long, Max se leva et de Saint-Chey l'imita aussitôt. « C'est dit, chère madame, quand vous voudrez, » dit-il en manière de conclusion, « je vous enverrai ma petite jument, vous me ferez signe. » Tout à coup, se rappelant qu'il fallait peut-être pacifier le maître de séance, il ajouta le plus gracieusement du monde. « Monsieur André monte aussi à cheval. » Sur un signe de tête affirmatif, fermant la bouche à un refus qu'il pressentait, de Saint-Chey continua. « Alors j'enverrai également mon cob. C'est un animal qui a un trot étonnant, vous en ferez l'épreuve, et j'ai tout lieu d'espérer que vous en serez content. Tout le monde m'en fait compliment, je vous assure. Vous me permettrez d'avoir l'honneur de vous accompagner, madame ?» « C'est parfait. Quand vous voudrez, un télégramme. » Il fit là-dessus une de ces sorties triomphales dont il avait le monopole. Quand ils furent assis dans le phaéton léger que Saint-Chey conduisait lui-même, au moment où le groom s'élançait avec la grâce d'une sylphide sur le siège de derrière, entre les énormes roues d'acier qui luisaient au soleil comme une panoplie, Max dit à son ami « Vous avez fait un bel impair. Voilà ce que j'appelle mettre dans le blanc. Quoi, en offrant mes chevaux ? Ils sont assez beaux pour faire honneur à n'importe qui. Ce n'est pas de cela que je vous parle, c'est ce nom de Simon dit. Vous n'avez pas vu l'effet qu'il a produit sur Rose. Mon cher, quand vous voudrez que j'observe l'effet de mes paroles, vous ne me jetterez pas votre canne sur les orteils. J'en demande pardon à vos orteils, mais grâce à ma canne, le mari n'a pas vu la figure que faisait sa femme à cet instant précis. vous qui étiez présent alors à cette partie de Garches, vous ne vous rappelez pas l'émotion mal contenue de Rose? Vous ne vous souvenez pas combien elle a insisté pour que Simon dit, mort ou vivant, fût transporté à Paris? Ma foi, non. Je vous dirais que tout était si sens dessus dessous à la suite de ce malheur. Eh bien, elle aimait Simon dit. Bon, vous m'étonnez. Que lui était-il au juste? Je n'en sais rien. Elle l'aimait, et l'on ne m'ôtera pas de l'idée qu'elle l'a soigné à ses derniers moments. Saviez Florent seul pour elle dire, et vous savez qu'elle est muette comme une carpe. Diable, diable, fit de Saint-Chez en tordant sa moustache. Alors j'ai peut-être eu tort d'en parler devant le mari. Je le crains, répondit sentencieusement le journaliste. Le trotteur qui les menait grand train fit à ces mots un écart si supérieur à tout ce qu'il avait produit en ce genre jusqu'alors, que Saint-Chez eut assez à faire de le corriger et de le rainer jusqu'à Trouville. Encore Max dut-il s'estimer heureux de n'avoir pas eu, comme le pauvre Simon dit, le cou cassé ce jour-là. « Qui était Simon dit ?» demanda juste à sa femme, après un silence qui leur avait paru assez long à tous deux, pendant qu'elle allait et venait dans le petit salon, occupée en apparence à remettre les objets à leur place. « Un chanteur italien, » répondit-elle sans se retourner. En effet, cette indication réveilla dans les souvenirs d'André l'image d'un beau garçon aux yeux noirs passionnés, à la voix de baryton riche et douce, qui avait apparu un hiver sur la scène et qu'on n'avait plus revu. Vous le connaissiez? Évidemment, au théâtre tout le monde se connaît. Elle cessa de ranger et se plaça bien en face d'André, comme pour provoquer son regard, mais il ne voulut point y prendre garde. Il avait 100 questions à lui faire et ne savait par laquelle commencer. Et puis, répondrait-elle, dans ce mouvement d'écolière qui brave son maître, il lisait les symptômes d'une révolte que plusieurs fois déjà il avait failli provoquer, qu'il redoutait et que pourtant il sentait inévitable. Il sortit lentement sans la regarder. Elle le suivit du regard avec une sorte de colère, de dédain, de pitié. Elle s'en voulait de le faire souffrir, et surtout elle lui en voulait de souffrir. Aussi, pourquoi cette manie de questionner, de savoir, qui ne la laissait en paix dans son passé comme elle le faisait pour lui? Lui avait-elle jamais rien demandé relativement à son enfance, sa jeunesse, ses amours, pour que de même ne respectait-il pas son silence? Elle secoua la tête amèrement, et une autre idée traversa son esprit. Qui avait poussé de Saint-Chez à jeter au travers d'une conversation banale ce nom de Simon dit, enseveli dans une tombe au plus profond de son cœur? Il y avait 5 ans que tout le monde l'avait oublié, le pauvre baryton, mort des suites de sa chute, au moment où le public commençait à l'applaudir. On oublie vite partout, mais dans la vie fiévreuse des gens à la mode, plus peut-être encore qu'ailleurs. Nul ne se souvenait de Simon dit, excepté celle qui avait recueilli son dernier soupir. Ils s'étaient aimés comme on s'aime à 20 ans, sans souci de l'avenir, parce qu'ils étaient tous deux jeunes et beaux. Rose, cependant, moins pour sauvegarder sa réputation que pour éviter les méchancetés de ses camarades, avait exigé un mystère profond, qui doublait la saveur de leur joie. Ils se rencontraient partout et se traitaient en étrangers. Simon dit trouvait cela ennuyeux. Rose trouvait ça drôle. C'était une jouissance que cette contrainte. Il était mort en pleine fleur de jeunesse et de bonheur. Rose, si cruellement frappée, avait posé une pierre dans son cœur, à l'endroit de ce souvenir. Elle avait voulu cesser de souffrir, l'oublier, puisque le souvenir ne lui causait que des douleurs aiguës. Elle avait si bien muré cet endroit-là dans son âme qu'elle était véritablement venue à bout d'oublier. Elle se souvenait parfois, rarement. Alors elle faisait de son mieux pour se replonger dans l'oubli si doux que les anciens avaient inventé le l'été pour prélude du parfait bonheur. C'est après la mort de Simon dit qu'elle était devenue une actrice de talent. Jusque-là, elle jouait avec la verve de son âge, mais avec les à peu près de l'ignorance, les rôles de passion et de douleur. À partir de cet événement, elle chercha la vérité humaine et la trouva. Pour devenir une étoile à Paris, il lui fallut peu de choses, un protecteur, simplement. Les postulants ne manquaient pas. Mais à mesure que Rose apprenait la science de la vie, elle se prenait de dégoût pour les transactions dont elle était souvent le témoin, parfois la confidente. Un grand succès en province lui ayant fait un nom à part, elle en profita pour se faire une situation unique. Sans se douter qu'elle n'était pas sincère, profitant du secret qui avait couvert son unique amour, elle resta désormais inattaquable et sa vertu fit l'étonnement de la province dont son talent était l'orgueil. À quel propos ce niais avait-il évoqué devant elle, devant André, l'image brisée et sanglante du pauvre chanteur aux yeux noirs? En aurait-on parlé à propos de son mariage? Non, sans doute, car la bêtise sublime de Saint-Chey n'excluait pas le savoir-vivre d'un homme très bien élevé. Mais Max, qui l'avait interrompu si à propos, celui-là devait savoir, ou tout au moins se douter. Et si on allait parler devant André, s'il apprenait la vérité, il la tuerait peut-être. Elle haussa les épaules. Non, il ne la tuerait pas. C'était un grand philosophe que juste André, un de ces hommes qui professent couramment toutes les vertus. Il souffrirait, il la mépriserait. Elle aimerait mieux être tuée que méprisée, mais il ne lui donnerait pas le choix. Il l'écraserait un jour d'une parole et la chasserait. « Jamais, se dit-elle, je mourrai avant. » Et tout à coup elle se demanda, découragée, en quoi consiste ce pouvoir d'une âme stoïque et sereine qui fait trembler les coupables devant son calme comme on tremble devant la colère des violents. Le jour baissait. En s'habillant pour le dîner, elle demanda à Florence « As-tu apporté mon Amazone ?»« Non, » fit la vieille servante en tombant des nues. « Seigneur Dieu, pourquoi faire ?»« Tu n'en as pas encore assez de t'être mise en pièce une fois, que tu veux déjà recommencer ?» Rose la laissa parler sur ce sujet tant qu'elle en eut envie. Lorsque Florence s'arrêta pour reprendre haleine, elle lui dit d'un ton sec « Tu partiras demain matin pour Chartres. Tu me rapporteras mon Amazone et tout ce qu'il faut pour monter à cheval. Tu m'apporteras aussi deux autres robes qui sont dans la salle marron. Tu t'arrangeras pour être de retour après-demain. Occupe-toi des heures des trains et laisse-moi tranquille. Tu as assez causé pour aujourd'hui. Un mot encore. Je te défends de parler de l'Amazone à mon mari. Pour les autres robes, cela m'est égal. Bah !» Florence sortit d'un air mécontent. Elle n'aimait pas tout cela, bien sûr. Ce n'est pas ainsi qu'elle avait rêvé le mariage pour sa maîtresse. Un mariage comme ça, ce n'était pas la peine de se mettre en ménage, ce pauvre monsieur André. Ce n'est pas étonnant qu'il eût toujours l'air sérieux. Il n'avait pas lieu d'être content, après tout. La pauvre petite, conclut la fidèle servante, revenant à son amour de nourrice pour l'enfant qu'elle avait élevé. Ce n'est pas sa faute non plus. Sa mère lui avait donné une éducation si baroque. Elle lui avait appris à ne rien faire comme les autres, et elle souffre aussi. Quand elle me parle sec comme ça, il faut qu'elle souffre, car au fond elle n'est pas méchante.